La science CQFD, Natacha Trioux. Le Festival du Livre de Paris commence aujourd'hui. Nous avons sélectionné pour vous un roman, Le Monde de Julia de Jean Barré et d'Hugo Bellagamba, ou Comment faire converger l'ASF et le droit. Comment faire société? Comment croire en la justice? Ou encore, comment mettre fin à toutes les inégalités? Autant de questions que pose la jeune Julia lors de son initiation dans un monde dystopique. Un parcours initiatique qui parvient à initier son lecteur à l'esprit des lois et au fondement de nos sociétés. Et comme dans tout roman d'anticipation qui se respecte, ce récit pointe du doigt les travers de notre présent. Le monde de Julia, l'ASF, a tous les droits. Jean Barré, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, docteur en droit et écrivain de science-fiction. Avec nous en duplex de Nice, Hugo Bellagamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de science-fiction, maître de conférences en histoire du droit à l'université Nice-Côte d'Azur et vous publiez ensemble Le Monde de Julia, paru le 12 avril aux éditions Mnemos, un roman écrit à quatre mains. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour notre live tweet, riche de sources, d'études et d'entretiens. C'est dès maintenant à Science CQFD. Alors jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment la science-fiction interroge les notions de droit, comment ce genre peut appréhender les questions juridiques et comment votre livre continue d'interroger notre façon d'habiter le monde. Et pour commencer, Hugo Bellagamba, comment définir ce livre? À sa lecture, j'ai eu la sensation d'avoir un peu un ovni dans les mains. Est-ce qu'on peut le qualifier de conte du futur? Alors oui, c'est vrai que c'est un peu un ovni, c'est-à-dire que c'est pas exactement un roman de science-fiction, c'est pas non plus un essai sur le droit, et je rassure tout de suite hein, les lecteurs et les lectrices. Voilà, c'est plutôt on pourrait qualifier ça, si Jean est d'accord évidemment, hein, de conte juridique, c'est-à-dire c'est un conte du futur. Un futur hypothétique dans lequel le droit a un rôle à jouer, évidemment. Et on va explorer ce futur au fil des pérégrinations de Julia et puis des différents clans de la cité que l'on décrit ensemble. Et au fur et à mesure, on va se poser la question de savoir ce qu'est devenu, au fond, dans ce futur, la justice, ce qu'est devenu le droit, est-ce qu'il y a encore une place pour des notions comme la liberté, l'égalité, les droits de l'homme, etc. Donc effectivement, on est plutôt dans un conte en réalité, oui, tout à fait. Jean Barré, un conte juridique du futur, vous validez? Je valide à 100%, c'est la science-fiction qu'on aime lire et qu'on aime écrire, c'est-à-dire décaler dans le futur des problématiques du présent. Et en effet, comme le disait Hugo, qu'est-ce que c'est que vivre ensemble? Quelles sont les grandes règles sur lesquelles on peut s'entendre ou pas sur ces questions-là? Alors on décale dans le futur, ça permet de donner un angle et une approche, mais à des questions qui sont très contemporaines. On peut aussi parler de conte, car il y a une sorte de flou temporel et spatial dans ce récit. Pendant un moment, on ne sait pas trop de quel futur on parle, ni de où vraiment se passe l'action, Jean Barré. C'est vrai, et d'ailleurs je crois qu'avec Hugo on ne le sait pas non plus en réalité, mais c'est un futur indéterminé, mais comme je disais, c'est un futur du présent. C'est aujourd'hui nos sociétés, est-ce qu'elles savent vraiment tellement plus que la société du monde de Julia, où est-ce qu'elle se trouve, et si on fait vraiment société ensemble, et si on s'entend vraiment sur des règles communes, je pense que c'est un futur du présent. Hugo Bellagamba? Oui, oui, absolument d'accord. Évidemment, vous avez vu, on est d'accord avec Jean, hein, ça c'est très important entre co-auteurs. Mais oui, en fait, c'est un futur est très hypothétique et finalement, voilà, cette mégapole dont on va parler dans le roman, cette montagne dans laquelle Julia s'est perdue, ça pourrait être n'importe où. Moi, là, je vous parle depuis France Bleu Azur, donc ça pourrait être les Alpes-Maritimes, évidemment, mais ça pourrait être ailleurs, dans un autre pays, dans un autre endroit. On a justement voulu laisser comme ça l'imaginaire des lecteurs s'emparer finalement de l'environnement dans lequel on situe les aventures de Julia et des clans de la mégapole. Et donc ça pourrait être n'importe laquelle de nos grandes cités, ces cités où le vivre ensemble est menacé hein, aujourd'hui, clairement. Et donc bien voir ce qu'elles peuvent devenir, toutes ces grandes cités qui sont si représentatives en principe de notre civilisation. Jean Barré, voilà, restez vague pour laisser au lecteur la possibilité d'investir l'imaginaire. Oui, je crois que c'est important. L'imaginaire ne doit pas être trop contrôlé, je pense, par, en tout cas comme lecteur, c'est mon sentiment, par l'auteur. Il faut que chacun puisse s'investir dans une œuvre, quelle qu'elle soit, imaginaire, et donc se projeter Et donc oui, il faut rester parfois être précis, mais parfois rester flou. Quoi qu'il en soit, un peu flou, mais on a quand même des petites pistes, hein, des petits indices, Hugo Bellagamba, ou des indications. On se rend bien compte que quand même l'action se passe en France. Oui, il y a quelques petites pistes qui viennent aussi, évidemment, comme vous l'imaginez bien, Natacha, du vécu des auteurs. Donc il y a des petits clins d'œil, par exemple, voilà, il y a un endroit où il y a un certain observatoire dont les lettres ont été en partie effacées, ça c'est au tout début du roman, donc ça donne des indices effectivement. Et puis il y a des sensations olfactives, des sensations visuelles qui peuvent rappeler évidemment des lieux que certaines personnes ont pu connaître aussi, oui, bien sûr. Il y a une volonté d'enracinement européen dans ce récit ? Clairement, c'est vrai qu'il y a une volonté d'enracinement européen. En effet, d'ailleurs, les références que l'on prend aux auteurs, je dirais, aux philosophes, au XVIIIe siècle ou autres, sont plutôt des auteurs européens. Mais il y a aussi toute la part de la pop culture qui est très américaine, et ça, Jean peut vous en parler aussi beaucoup. Et donc, finalement, même si l'enracinement est peut-être européen, historiquement, comme d'ailleurs celui de la science-fiction, rappelons que c'est une littérature qui est d'abord et avant tout européenne, avant de devenir américaine et d'essaimer un peu partout dans le monde. Effectivement, il y a cette mixité entre des racines européennes et puis peut-être des futurs un peu plus ouverts, un peu plus internationaux. Je parlerai volontiers de l'Occident, moi-même, d'une façon plus large. C'est-à-dire, oui, la France, l'Europe, une partie des États-Unis, de la culture en tout cas américaine, et donc, disons, occidentale. Les grandes questions qu'on soulève sont avant tout des questions de société occidentale, en effet. Donc oui, il y a une volonté de, comme disait Hugo, de parler aussi un petit peu de ce qu'on sait plus. Et donc on est plus familier avec l'Europe et l'Occident que d'autres régions du monde. Absolument. Alors sur cette narration, je veux bien, qu'on replace ensemble un peu cette histoire, Jean Barré. Est-ce que je peux vous demander de nous décrire brièvement ce récit, en faisant attention de ne rien divulguer. Ah oui, ça, il faut y veiller. Et on a deux grandes lignes d'histoire parallèles. On suit une jeune fille qui est éduquée sur les questions dont on parlait, de société, de vivre ensemble, de droit, de grands droits, je dirais, de grandes questions, de comment est-ce qu'on peut s'entendre, si on a tous une volonté, il faut qu'on ait tous une volonté, bien sûr, il faut qu'elle soit là, si c'est un état de délirant ou fasciste ou ce que vous voulez, la volonté n'y est pas, mais quand on a une volonté de vivre ensemble, de façon, on va dire, juste, avec tout, les complexités que regroupe ce nom, ce mot. Donc elle est éduquée sur ces questions-là, et en parallèle, éduquée seule avec un robot. Tout à fait. Et en parallèle, on a la version justement vraiment dystopique des sociétés de clans qui ne sont plus du tout capables de réfléchir comme ça, qui cherchent une organisation quelle qu'elle soit, et qui cherchent à l'appliquer aveuglément, parce qu'il faut avoir une structure sociale n'importe laquelle du moment qu'on la respecte. Et alors on va gentiment déboucher sur une non pas une querelle, mais une division entre droit naturel et droit positif. Voilà, les grandes questions que pose ce roman. Quand est-ce aussi qu'on a du droit ? Est-ce qu'il suffit d'avoir des règles que l'on suit aveuglément, ou est-ce qu'il faut qu'elles aient un sens de justice, etc. Voilà. En gros, sans en dire plus. On va revenir dans quelques instants sur ces questions de philosophie du droit qui sont abordées dans ce livre. Hugo Bellagamba, hein, pour continuer à nous présenter le décor et cette intrigue, on parlait de cette mégapole avec ses divers clans. Oui, alors en fait, pour insister sur ce qu'a dit Jean, justement, pour reprendre, hein, c'est cette opposition que nous avons voulu, en fait, cette dynamique, qu'on a voulu, ce balancement entre d'un côté une mégapole avec des clans qui ont formé un peu des micro-sociétés, vous voyez, mais des sociétés un peu exclusives les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elles ne se comprennent pas, elles ne se parlent pas, elles ne s'entendent pas, et souvent elles sont violentes à l'égard les unes des autres. Et de l'autre côté, la solitude de Julia qui mène un voyage initiatique physiquement, parce qu'elle va se déplacer, mais un voyage initiatique aussi intellectuellement, je dirais philosophiquement, puisqu'elle réfléchit, elle cherche un sens à son existence, elle cherche un sens à ce qu'elle apprend, à ce qu'elle lui enseigne son robot, sa tutrice ou son tuteur, comme vous voulez. Et donc c'est cette complémentarité entre les deux, et effectivement, J'en profite pour saluer avec une infinie reconnaissance Jean, de tout ce que Jean a apporté, notamment concernant la mégapole, qui était à peine esquissée moi dans un des tout premiers projets du roman. Et ce balancement, c'est ça qui fait la particularité de notre roman, du monde de Julia, c'est que c'est le monde de Julia, c'est le monde dans lequel se trouve Julia, mais qui est d'une infinie complexité et parfois un monde extrêmement dur. Voilà, c'est que le livre alterne entre l'histoire de Julia en dehors de la reconstruction d'un monde, elle est dans la nature, et des personnages qui tentent de reconstruire le monde en tendant vers une société parfaite. C'est cette mégapole que vous décrivez, qui est composée donc de divers clans. On y fait un petit tour dans cette mégapole avec cet extrait. Il déambule dans les rues souterraines de la ville tentaculaire. Les citoyens sont, comme partout ailleurs, aveugles à leurs conditions. Dès qu'un groupe humain est laissé seul, il évolue quasi immanquablement de la même façon. Une partie s'autoproclame élite, prend le contrôle des forces armées et décide du sort des autres. Et ces derniers, tant qu'ils sont nourris et distraits, s'en satisfont. Ils font une longue gestation avant que la notion de démocratie émerge et que des revendications de justice apparaissent. Elles sont d'abord méprisées, puis combattues, avant parfois de s'avérer victorieuses. Ce processus peut prendre un temps bien trop important aux yeux de Darius. Il se fait arrêter à de multiples reprises par des robots policiers qui contrôlent son laissez-passer. Un, du service des messages et nouvelles circulaires provisoires, un autre, qui se prétend contrôleur général adjoint des affaires non transmises, et un troisième, du bureau du contrôleur de coordination des archives à venir. La difficulté est que le dernier flic prétend que son laissez-passer n'est pas réglementaire et qu'il lui faut remplir le formulaire A38 pour être correctement habilité à circuler. Jean Barré, une réaction à cette lecture? C'est un peu vous le père de cette mégapole. C'est un très bon choix de... C'est un très bon choix de passage. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a souhaité mettre en scène, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a souvent perdu le sens de ce que c'était le droit. Alors on ne voit que le côté coercitif, puisqu'effectivement, une règle de droit, pour qu'elle soit une règle de droit, il faut qu'elle soit, imposée, ou en tout cas appliquée, et y compris par la force, pour ceux qui souhaiteraient pas la respecter, alors que tout le monde s'est mis... En tout cas, une majorité des gens, si on reste dans un système démocratique, se sont mis d'accord pour que ce soit imposé. Et on a gardé, et surtout on a mis en avant ce côté coercitif qui est essentiel, mais il y a le côté, ça ne suffit pas, il faut aussi une réflexion sur le sens de cette règle et sur la logique qu'elle véhicule. Et on a voulu mettre en scène le fait que si un groupe humain perd de vue ces questions-là, effectivement, tôt ou tard, il va se retrouver dans un état où il y aura une élite qui s'autoproclame légitime sans trop expliquer pourquoi et qui va utiliser la force pour appliquer le droit. Et ces clans-là illustrent cette problématique. Là, on avait un extrait donc de cette mégapole, mais dans ce livre, il y a aussi, surtout avec les passages avec Julia, Hugo Bellagamba, on a beaucoup de débats. Est-ce que ça, c'est le reflet de vos discussions ensemble, entre auteurs? Oui, c'est l'influence de ChatGPT, IA conversationnelle, d'ailleurs qui a écrit le roman, maintenant on peut l'avouer, Jean. Oui, c'est vrai, avouons-le. Non, alors, ce qui est drôle, effectivement, c'est que cette conversation, cette dimension conversationnelle, effectivement, elle vient, effectivement, pour moi, du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est un siècle, pour certains, dirons-nous, métaphysique, mais aussi de la rationalité, et où il y a beaucoup d'échanges entre les philosophes, beaucoup de débats sur la nature de la société, bien avant la Révolution française, dont parmi les philosophes des Lumières, on discute, est-ce que la liberté vient en premier? Est-ce que c'est l'égalité qui est le plus importante, etc.? Qu'est-ce que c'est que la justice au niveau naturel ou au niveau institutionnel, tout simplement? Et donc, effectivement, ces longues conversations de Julia avec son robot, dans un premier temps, effectivement, visent à montrer qu'il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de société idéale, et surtout... Il n'y a pas de société possible sans droit et sans notion de justice. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte de vivre ensemble, la première question qui vient, c'est comment allons-nous régler nos différends ? Comment allons-nous régler, autrement que par la violence et par la force, comment allons-nous régler nos différends ? Et cette question-là, elle fait société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, si nous ne sommes plus capables d'y répondre, ça veut dire que notre société elle-même, en fait, est en train de se déliter. Et au fond, la conversation, c'est-à-dire la confrontation de positions différentes qui peuvent s'entendre et qui peuvent se renforcer mutuellement, finalement, c'est ça que montre Julia. Effectivement, alors pour elle, c'est beaucoup plus facile, hein, parce que dans la mégapole, il y a de la violence à tous les coins de quartier, j'ai envie de dire. Alors que Julia, elle est seule, un peu comme une ermite, dans sa montagne, elle discute avec son robot, elle affronte la nature. C'est vrai, mais dans ces débats philosophiques, elle est relativement protégée, elle est relativement à l'abri. Et c'est ce balancement justement entre les deux éléments du roman qui fait petit à petit émerger ce qui est le sens, comme le disait Jean tout à l'heure, ce qui est le sens même du droit. Le droit, ça n'est pas simplement une contrainte, ça n'est pas simplement quelque chose qui pèse sur nos épaules, c'est quelque chose qui est la condition même de notre vivre ensemble. J'ajoute que le droit a deux temps. Le premier temps, c'est sa création. Et sa création doit être, comme le disait Hugo, du consensus, du dialogue, de la compréhension mutuelle en dépit de points de vue différents. Le législateur devrait être évidemment absolument non violent et surtout à l'écoute des points divergents et essayer de trouver un consensus qui puisse, en tout cas toujours dans un État démocratique, convenir à la majorité. C'est ensuite, son deuxième temps, quand tout le monde ou la majorité s'est mis d'accord, qu'il peut faire appel à la force, puisqu'il faut l'appliquer. Mais il ne faut surtout pas utiliser la force et la brutalité au moment de sa genèse, de sa création. La loi du plus fort n'existe pas, c'est tout sauf une loi. Un juriste est avant tout pacifique et cherche à... Un peu comme un philosophe, il cherche à trouver une synthèse de différents points de vue. Ensuite, bien sûr, il faut l'appliquer, parce que sinon, si on l'applique pas, comme je disais, elle n'a pas de valeur coercitive. Mais cette force doit être au bout, et surtout pas au démarrage de sa création. L'objectif de ce roman, vous me dites, si je me trompe, c'est vraiment donc de faire réfléchir le lecteur sur les grandes lignes des conduites juridiques pour qu'une société fonctionne. Tout à fait. C'est le but, c'est de remettre un peu au centre du débat ce qui a, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, il me semble un peu disparu. Il ne s'agit pas de défendre uniquement son point de vue. Son point de vue, évidemment, qu'on le trouve très bien, puisque c'est le nôtre. Mais on vit dans une société qui, par hypothèse, met en scène une multiplicité de gens qui ne sont pas censés même avoir le même point de vue que le mien. Donc je pars de mon point de vue, je m'ouvre à l'autre, et j'essaie de trouver une règle qui puisse à peu près convenir à tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut appeler, une règle, disons, juste. C'est encore un grand mot, mais en tout cas, ça tend à ça. Et ce qu'on l'a oublié, on a oublié ce besoin de reconnaître que l'autre est différent, que l'autre, évidemment, n'a pas le même point de vue, mais que ce n'est pas pour autant un ennemi qu'il faut abattre, que ce n'est pas pour autant une crapule immonde qui me pollue mon univers. Non, c'est ça, le vivre ensemble, et on essaie d'inciter tout à fait le lecteur à revenir sur ces grandes questions. Hugo Bellagamba. Oui, en fait, on est exactement dans l'opposé de l'idéologie. C'est-à-dire que quand vous avez une idéologie, qu'elle soit politique ou juridique, hein, vous vous concentrez sur une certaine interprétation d'une idée, de la liberté, de l'égalité, du vivre ensemble, enfin. Et vous n'avez pas d'autres, vous n'acceptez pas les autres possibilités ou les autres interprétations. L'idéologue, c'est celui qui va vouloir imposer, conquérir le pouvoir pour faire prévaloir son opinion, sa vision de la société, sa vision de tel ou tel concept. Alors que justement, l'antithèse de l'idéologie, c'est la délibération. Aristote disait « nous délibérons sur les choses qui dépendent de nous ». Et en fait, la société dépend de nous, de ce que nous en faisons. J'ai envie de dire, on a la société que l'on mérite. Et si on laisse les idéologies dominer, et on est loin de les voir disparaître, hein, ces idéologies, elles sont loin d'être finies. Hein. Au contraire, elles sont dans notre monde, et nous sommes, finalement, en tant qu'auteurs, imprégnés de l'atmosphère dans laquelle nous vivons, et que nous ressentons d'une certaine façon différemment, Jean et moi, et bien d'autres personnes, on sent cette tendance à s'enfermer dans des idéologies. Et le but du monde de Julia, bien sûr, c'est de raconter une histoire, un conte, et de faire aussi, d'une certaine façon, sortir le lecteur du quotidien, mais en même temps, c'est vraiment de lutter contre cette tendance que chacun commence à avoir de s'enfermer dans son interprétation comme s'il n'y avait que celle-là possible. Alors, quelle est la place de la SF dans ces problématiques philosophiques et juridiques ? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. 16h20 sur France Culture, nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Jean Barré et Hugo Bellagamba, les auteurs du roman d'anticipation Le Monde de Julia. Nous venons de parcourir sa narration avec un ces grands passages où les questions de philosophie, de droit et de questionnement entre liberté et égalité. Hugo Bellagamba, pourquoi avoir fait le choix de la science-fiction ? Eh bien, parce que la science-fiction est l'outil absolument parfait, la littérature idéale pour faire ça, pour la simple et bonne raison qu'elle est justement ouverte à tous les champs du savoir. Et quand tout à l'heure, Natacha, vous disiez où est la place de la science-fiction, eh bien, elle est au cœur. C'est-à-dire, sans la science-fiction, nous n'aurions pas pu écrire ce roman, Jean et moi, parce que la science-fiction, justement, c'est pas simplement les sciences au sens des sciences exactes, de la science physique et des autres sciences de la réalité physique du monde, mais c'est surtout la science des sciences humaines, c'est-à-dire les sciences de la société, la psychologie, la philosophie, le droit, l'histoire, l'anthropologie, etc. Et ce récit, justement, peut se nourrir de cette liberté que donne la science-fiction, d'imaginer des mondes complètement hypothétiques, et dans ces mondes-là, de mettre en discussion, de mettre en échange, de repenser complètement, eh bien, le corps des connaissances qui nous viennent de la sociologie, de l'histoire, du droit, etc. Et donc, c'est vraiment parce que la science-fiction existe qu'on a pu écrire Le Monde de Julia. Jean Barré. Oui, tout à fait. Quand on veut mettre en scène des problématiques de, on va dire, de sciences humaines au sens large, on n'a pas 36 solutions. Soit on décale dans le temps, soit on décale dans l'espace. Dans l'espace, disons, les lettres persanes, et dans le temps, la science-fiction. Et l'avantage de décaler dans le temps, c'est qu'on peut donner, ouvrir une fenêtre sur un avenir possible de l'humanité, de l'Occident en tout cas, et imposer au lecteur, je dis bien imposer parce que parfois ça peut être un choc, une vision de ce qui peut l'attendre. Et ça incite à la réflexion, déjà rien que ça. Et ce reflet en miroir de, comme on le disait tout à l'heure, d'un futur du présent, ça permet de poser des lignes de réflexion qui vont amener le lecteur, on l'espère en tout cas, à réfléchir à tout ça. Et la science-fiction permet ça. Voilà, c'est un outil narratif très, très, très important. Mais plus précisément, comment la science-fiction peut appréhender le droit ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. C'est une très belle question, elle est très complexe. D'abord parce que n'oublions pas quand même que le droit, c'est une fiction. Alors, mais il n'empêche que le droit, c'est une fiction. Après, c'est une fiction sur laquelle tout le monde peut s'entendre ou pas, mais le droit est avant tout une fiction. Et donc, la fiction, naturellement, peut traiter du droit. On peut réfléchir à un monde meilleur ou plus juste. On peut réfléchir à des règles plus efficaces. Ou bien on peut mettre en scène des univers dystopiques, dramatiques, qui laissent entendre au lecteur, comme on le disait, que attention, si on ne fait rien, notre système même juridique va dériver vers ça. Donc le champ de l'imaginaire et du fictionnel s'accorde très bien avec le droit parce qu'il est lui-même fictionnel. On s'entend tous quand même sur des règles, ou en tout cas on s'en rend pas compte parce que on est dans un univers, dans une société, et on considère que c'est comme ça que ça marche. Mais en réalité, n'oublions pas que c'est un processus culturel qui vient évidemment de loin, qui a été parfois dévoyé ou parfois amélioré, mais ça reste une fiction que nous nous racontons les uns les autres. J'ai droit de faire ça, j'ai pas droit de faire ça. Tu as droit de faire ça, tu n'as pas droit de faire ça. Et après, bien sûr, la force, comme je le disais tout à l'heure, du droit positif vient qu'on l'applique et que vous avez pas trop le choix que de le suivre, mais ça reste une fiction. Donc oui, le fictionnel peut s'emparer du droit et peut aider à réfléchir à tout ça. Hugo Bellagamba. Alors, je vais citer Matrix. Quand Morpheus dit à Neo, la matrice, c'est le monde qu'ils ont mis devant tes yeux pour te faire croire qu'il est réel. C'est une parfaite définition du droit. Le droit nous fait vivre dans un monde qui n'a pas de réalité physique fondamentale. Nous vivons dans un monde culturel. Nous avons une société qui est organisée avec des valeurs qui se sont transcrites dans nos règles de droit, dans nos mécanismes, par exemple le respect des droits de la défense, c'est une garantie fondamentale dans notre société, mais pas toutes les justices, dans toutes les sociétés, hein, pour faire un peu d'anthropologie, n'accordent autant d'importance comme ça aux droits de la défense. Donc nous vivons dans des mondes culturels, nous vivons déjà dans des représentations, on n'a pas attendu la matrice et les mondes virtuels pour comprendre, pour réaliser que nous ne sommes pas dans la réalité. Parce que la réalité, c'est quoi fondamentalement? Si je parle de la réalité, je parle de la violence, de la force, de l'inégalité fondamentale de la vie, c'est-à-dire de ceux qui vont avoir plus de force, donc qui vont pouvoir l'emporter sur les autres. Et nous avons voulu créer des mondes dans lesquels la force ne règne pas exclusivement, même s'il y a toujours une forme de force, comme le disait Jean. Donc du coup, la science-fiction qui parle d'une fiction, finalement, c'est parfaitement légitime. Et puis, pour vous donner aussi un autre élément, le droit est une fiction que nous construisons et à laquelle nous attachons de l'importance, d'accord ? Mais aussi un autre élément qui fait que la science-fiction était plus légitime que sans doute bien d'autres littératures, c'est que les personnages de la science-fiction sont pas simplement les personnages qui sont incarnés. C'est pas simplement Julia, Artaban ou Darius, ou même le petit robot Roland. Ce sont les sociétés elles-mêmes. C'est-à-dire que la science-fiction, qui souvent prend des grands espaces temporels pour se déployer dans les livres-mondes, par exemple, ou dans les grandes sagas du space opéra comme Dune, par exemple, elle décrit l'évolution des sociétés comme si ces sociétés étaient des êtres vivants, avec leur crise de croissance, avec leur crise d'identité, avec leur séparation, leur fracture, etc., leur révolution. Et donc, la science-fiction est parfaitement bien placée, puisque comme il n'y a pas de société sans droit, comme la science-fiction parle des sociétés, forcément, elle parle du droit. Et par rapport à ces affinités entre droit et fiction, vous faites aussi allusion à l'importance de la fiction en faisant référence dans votre roman au livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité de Harari. Vous écrivez, l'Homo sapiens doit son statut d'espèce dominante du fait qu'il est le seul animal capable de coopérer efficacement avec un grand nombre de ses semblables. L'Homo sapiens a la faculté de croire en des choses qui n'existent que dans son imagination, les dieux, les nations, l'argent ou le droit, Jean Barret. Oui, tout à fait. C'est la grande thèse d'Harari. Et je sais qu'il a été parfois critiqué pour peut-être avoir une vision trop simpliste des choses. Mais il y a une vérité sous-jacente, indiscutable, me semble-t-il en tout cas, qui est celle-là. C'est-à-dire que pour coopérer sur un petit nombre, si vous êtes 20 ou 80, une tribu de 80, même une tribu de 100 personnes, à peu près tout le monde se connaît, tout le monde peut coopérer comme ça. Si on est une tribu de 80, 100 millions, 200, 300, tout dépend de là, enfin en tout cas, très vite, on ne se connaît plus. Et donc, pour dialoguer les uns les autres, la langue ne suffit pas. Il faut un référentiel commun, collectif, l'idée qu'on appartient au même ensemble, l'idée qu'on a quelques valeurs en commun, et une idée aussi de vers quoi va la société, où on va, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on est comme on est. Et ça, c'est typiquement, évidemment, que de l'imaginaire, de la culture, et puis du droit, de l'économie, etc. Donc oui, tout le fictif qui permet à des sociétés de fonctionner représente un outil très important culturel qui est effectivement, a priori, propre à l'homme. Enfin, il y a quelque chose de très connu quand on parle des affinités entre le droit et la science-fiction, quand on parle de robots, ce sont les lois de la robotique dans le cycle des robots d'Isaac Asimov. 1942, on écoute la voix du maître dans cette archive de 1974. Dans mon livre « La fin de l'éternité », je présente ce choix entre contrôle et sécurité, ou bien liberté et danger. Dans les robots, je choisis contrôle et sécurité. Dans « La fin de l'éternité », je choisis liberté et danger. Donc, en parcourant mes livres, vous pouvez me voir prendre différents points de vue. Je veux présenter les pièces du dossier. Dans un cas, comme dans l'autre. C'est au lecteur de choisir. Et votre choix, vous, alors? Car les gens peuvent dire, évidemment, c'est facile de poser les problèmes, de dire, vous avez le choix. Et vous, alors, quel est votre choix? Moi, mon choix, je ne peux évidemment ne parler que pour moi. Ça n'a rien à voir avec le sort du monde, qui exige peut-être contrôle et sécurité. Mais ce que je choisis, moi, c'est la liberté et le danger. Vraiment, je pense que plus la technologie sera avancée, plus chacun aura voix au chapitre. Peut-être même que c'est seulement par un surplus de technologie que nous pourrons avoir une réelle démocratie à l'échelle planétaire. Une démocratie où l'opinion de chacun comptera, où le moindre sujet entraînera un vote rapide, où chacun recevra une éducation bien plus efficace, où chacun sera mis au courant des problèmes et des solutions possibles. Hugo Bellagamba, une réaction à cette archive ? Elle est formidable, cette archive. Je sais pourquoi j'écris de la science-fiction chaque fois que j'entends Isaac Asimov. Oui, bah, il pose très bien les problèmes. Alors, il ajoute aussi le rapport à la technologie, qui est parfaitement, d'ailleurs, dans l'air du temps aujourd'hui, hein, puisque on sait que les intelligences artificielles maintenant sont utilisées notamment dans les cabinets d'avocats, etc. Donc, et en justice aussi. Mais l'idée, voilà, j'aime bien ce que dit Isaac Asimov sur ce balancement, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas justement à faire prévaloir quelque chose, même s'il lui a sa propre opinion, mais il nous montre le balancement. Alors, ce balancement qu'il évoque à travers les lois de la robotique, et c'est bien sûr en simplifiant ces lois à l'extrême qui nous permet de bien le comprendre, de bien le ressentir, tous et toutes, en tout cas tous ces lecteurs et lectrices, eh bien ce balancement nous permet de comprendre, par exemple, de comprendre quoi ? Eh bien de comprendre que si on fait un choix entre l'égalité et la sécurité et la liberté et le danger, si vraiment on fait un choix, on a de toute façon perdu. Et donc la seule liberté ou la seule possibilité civilisationnelle pour l'avenir, c'est de ne pas, de refuser de faire ce choix et de vouloir, même si ça paraît fou, hein, mais de vouloir à la fois l'égalité, la liberté, la sécurité, la possibilité de transformer la société. Et ça, il le montre bien, hein, Isaac Asimov, c'est vraiment son talent d'aller à la ligne claire et de montrer que lorsqu'il parle des lois de la robotique, en fait, quelque part, il parle des lois fondamentales des sociétés. Jean Barré. Oui, j'aime évidemment beaucoup ce passage. Il pose en effet plusieurs questions. Le rapport à la technologie me plaît beaucoup parce que la technologie transforme nos sociétés, et c'est une banalité que de le dire, mais évidemment, y compris au niveau du droit. Il y voit, lui, à l'époque, à son époque, un outil d'émancipation, de démocratie, de libération démocratique ou de puissance démocratique. Je suis pas sûr qu'on puisse tout à fait dire ça aujourd'hui. On pourrait se dire que la technologie a au contraire entraîné un déficit de démocratie. Le fait que chacun, je mets ces grandes idées, je reprends ces grandes idées. Le fait que chacun puisse, grâce à notre technologie, donner son avis très vite. C'était un rêve peut-être à son époque. Aujourd'hui, on a l'impression que ça fracture complètement, au contraire, la société, puisque chacun ayant un avis, comme on disait tout à l'heure, tout le monde oublie que cet avis doit peut-être être confronté à celui des autres et qu'il va falloir l'amender, que chacun amende son avis un petit peu pour arriver à un fonctionnement commun. Alors que la technologie a tendance à nous radicaliser dans notre positionnement. Donc c'est aussi intéressant de voir ce qu'on pouvait espérer de la technologie versus ce qu'on a aujourd'hui, où on y est à peu près, à ce futur-là qu'il imagine. Et donc oui, la technologie change les choses, mais pour moi, elle les change aussi quand elle nous fait perdre de vue les fondamentaux que nous essayons de remettre en scène dans le monde de Julia. Les fondamentaux dont on parlait, on va redire le mot de droit naturel ou de réflexion de droit naturel. Et un dernier mot peut-être sur ce passage qui est intéressant. On pourrait se poser aussi la question de l'utilité d'une règle de droit. C'est aussi un autre vaste débat. Alors on a liberté, on a sécurité, et puis on a utilité. L'utilitarisme est vraiment un grand courant du droit, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une règle est bonne quand elle est efficace. Les lois de la robotique peut-être visent une certaine efficacité. Ce sont des grandes questions, évidemment sans grande surprise, je suis d'accord avec Hugo, je crois que choisir entre des extrêmes n'est jamais très bon, parce qu'on perd beaucoup trop en sécurisant un des deux extrêmes. Il faut idéalement concilier le tout, c'est jamais très facile. En tout cas, dans votre roman, vous montrez que les fictions permettent de mieux penser la réalité, qu'elles diffusent une connaissance scientifique ou juridique. Quelle est la place des technologies dans ce texte ? Restez avec nous. The Surfing Robot, Dance The Surfing Robot à 16h37 sur France Culture. Car nous parlons du roman Le Monde de Julien, un roman qui est écrit non pas par ChatGPT, mais par nos deux auteurs, nos deux invités du jour, Jean Barré, avocat au barreau de Paris, docteur en droit, écrivain de science-fiction, et Hugo Bellagamba, auteur de science-fiction, maître de conférences en histoire du droit à l'université Nice-Côte d'Azur. Alors nous venons de voir comment ces fictions nous permettent de penser la réalité et même d'approcher des concepts juridiques. Ce n'est pas le cœur des enjeux de cet ouvrage, de ce livre, Jean Barré, mais il y a une dimension technologique qui est présente. Quelle est la place des technologies dans ce roman ? C'est une question compliquée parce que je veux pas aller trop loin, divulgâcher. Il y a une place importante parce que nous sommes partis du principe que une société, même post-apocalyptique en partie, n'a pas forcément pour autant abandonné toute technologie et retourné à l'âge de pierre. Donc il y a une fracture en 1000 clans de la société humaine, mais il y a encore de la technologie qui est susceptible d'être utilisée. Et comme vous le disiez, la petite Julia est par exemple éduquée par un robot. Donc la place de la technologie est importante. Après, comment en dire plus ? J'ai pas envie d'en dire plus, mais je peux dire que la place de la technologie est relativement importante, en effet. Voilà, permettez-moi d'en rester là. Très bien, Hugo Bellagamba. Difficile. Alors, il en reste là, et puis c'est à moi maintenant. Oui, voilà. Mais non, pour être sérieux aussi, mais la technologie, en fait, est plus résistante que la politique, les institutions et le droit, quelque part. C'est-à-dire que elle est des deux côtés, là, sur le monde de Julia. Puisqu'effectivement, il y a le petit robot formateur de Julia. Dans la mégapole, il y a des laboratoires, des labs qui effectivement utilisent la technologie et les différents clans aussi à des degrés différents. Et du coup, l'un des messages que ça envoie, je pense, mais qui est peut-être de l'ordre de l'inconscient pour le compte ici, c'est de dire que on a plus de mal à se départir de nos technologies finalement que de nos systèmes juridiques parfois. Et quand on pense ou quand on a l'impression d'entendre un sentiment que le droit n'évolue pas assez vite, le droit ne change pas assez vite, le droit est un espèce de carcan contraignant, etc. En fait, on peut se débarrasser relativement finalement facilement. Il y a des moments où le droit malheureusement ne peut pas résister à lorsqu'il y a une trop grande violence ou des choses comme ça. Il faut repenser le droit et le système. La technologie, moi j'ai quand même l'impression que elle fait partie intégrante des sociétés aussi, parce que depuis l'aube de l'humanité, la technique évolue. L'être humain, malgré tout, ces évolutions, veut toujours avoir plus d'influence, y compris sur l'environnement. On voit bien quel est le problème aujourd'hui. Et donc, il y a une espèce de résistance, comme ça, de la technologie à disparaître. Il faut vraiment aller dans les utopies pour voir des technologies qui sont complètement abandonnées. Par exemple, je vous cite juste une contre-utopie, une dystopie de Samuel Butler, qui date du 19e siècle, qui s'appelle Air One, Nowhere, en anglais Air One, dans laquelle on a abandonné toutes les machines. Il y a un musée des machines qui est fermé, les machines sont fermées à clé dans un musée, et tout le monde a renoncé complètement à la technologie. Mais si on regarde attentivement l'évolution de l'Occident en général et des sociétés, c'est quand même extrêmement difficile de revenir en arrière une fois qu'une technologie a envahi notre quotidien et qu'elle influence la façon dont nous nous parlons, dont nous nous écoutons, dont nous nous comprenons, etc. Alors c'est le dernier chapitre qui s'appelle « Justice robotique », sans divulgâcher l'intrigue. Cela m'a fait penser à ça et je voulais écouter votre réaction. Alors donc, justice par intelligence artificielle. Ouais, exactement, parce que bon, l'Estonie, ils sont en train de dématérialiser l'ensemble de leurs services publics, et y compris la justice. Ils veulent remplacer certains de leurs juges par un algorithme, par un juge robot. Un juge robot, c'est pas Terminator dans le prétoire, évidemment. C'est un logiciel, une intelligence artificielle qui a été conçue pour rendre des décisions de justice, pour déterminer qui est coupable et qui est innocent, et dont les décisions ont autant de valeur que celles d'un juge humain. Et c'est ce qu'ils sont en train de tester en ce moment. Donc, le principe, alors, c'est pour les petits délits, hein. C'est pas les grosses affaires d'homicide avec des énormes enjeux, etc. Mais pour les délits avec 7000 euros maximum de dommages, eh bien, ce qui va se passer, c'est que chacune des deux parties va devoir remplir un dossier en ligne sur Internet, sur une plateforme, donner tous ses arguments, étayer avec des documents, etc., ses preuves. Et la machine, elle va analyser tous ces documents, elle va les mettre en relation avec des textes de loi, avec aussi un passif, on lui a fait ingurgiter des tonnes et des tonnes de données judiciaires évidemment, et en fonction de tout ça, elle va déterminer qui a raison et qui a tort, et elle va prendre une décision qui, encore une fois, aura autant de valeur que celle d'un juge humain. Hugo Bellagamba, punir les infractions avec des robots, ça vous inspire quoi, vous, en tant qu'auteur de SF et... C'est un totalitarisme angoissant. Je pense pas que ça puisse arriver véritablement. Un algorithme ou un robot ne peut pas punir, pour la bonne et simple raison que, pour l'instant, cet algorithme ou ce robot n'a pas ce qu'on appelle la faculté de juger, c'est-à-dire le raisonnement. Et c'est vrai que ça, on l'a pas encore dit dans cette émission. Être juriste, faire du droit ou comprendre le droit, c'est d'abord raisonner. Raisonner, c'est-à-dire réfléchir. Et justement, ne pas prendre des décisions trop rapidement. On parle souvent de la rapidité, on voudrait que la justice aille toujours plus vite. Hein. Tout le monde demande à la justice d'aller plus vite. Mais à force d'aller vite, on ne réfléchit pas. Or, le juge... La fonction du juge dans l'histoire du droit et depuis toujours, c'est d'abord et avant tout de se forger une intime conviction à partir d'une réflexion. Et donc une machine, un algorithme, aussi précis soit-il, aussi utilisant une base de données absolument folle de toutes les décisions qui auraient jamais été rendues et qui ont jamais été versées dans des registres ou dans des archives, si elle décide instantanément, ça veut dire que ça n'a pas été réfléchi. C'est juste une opération de statistique, si vous voulez. Et ça n'est pas jugé. Donc, utiliser les algorithmes, utiliser des robots pour faire gagner du temps au juge, pour peut-être l'accompagner dans sa décision, peut-être. Mais pour remplacer un juge humain qui a la faculté de juger, si demain ça arrive, ça signifiera tout simplement qu'il n'y a plus de justice. Jean Barret. Oui, ça dépend et effectivement, pour aller dans le sens d'Hugo, ça dépend de la définition que vous avez de la justice. Dans l'extrait, on nous dit bien, il est question de savoir qui a tort et qui a raison. Alors ça, on peut tirer au sort. On peut faire s'affronter des gens à l'épée, les faire marcher sur des braises et voir lequel va le plus loin. Et on aura quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Est-ce que c'est une façon de trier? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une façon de rendre la justice? Bon, ça dépend la définition qu'on a de la justice. Évidemment, ça n'est pas trop la mienne. ni celle d'Hugo. La justice, c'est un juge, et un juge, on a depuis fort longtemps dit qu'il n'était pas la bouche de la loi, ce qui veut dire qu'il n'est pas là pour simplement faire le perroquet et dire « Ok, la loi dit ça, donc c'est ça ». Un juge est là pour interpréter la loi, car n'oublions pas qu'un texte de loi n'a pas vocation à gérer tous les cas qui se présentent à lui. Il donne une indication, et aussi claire soit-elle, elle mérite souvent d'être adaptée au cas particulier qui est soumis au juge. Elle demande parfois d'évoluer. Il faut que la règle de droit puisse évoluer en fonction de la société avant que le législateur s'empare de cette problématique. Donc le juge est le garant d'une certaine adaptation de la règle. Et la justice est a priori humaine parce que, précisément, comme le disait Hugo, il faut pouvoir juger, évaluer, réfléchir. Et même si on peut imaginer, faisons un tout petit peu de science-fiction, qu'une IA du futur soit capable d'avoir une faculté d'appréhender des concepts qui ne soient pas simplement « la règle dit ça, donc, et tu as fait ça, donc le résultat est ça », je sais ce qu'on va dire, comme dit Hugo, on va dire « oui, mais c'est mieux parce que c'est plus rapide ». Bon, c'est pas forcément une bonne raison. Et on va dire « ça évite aussi des problématiques, des biais humains, etc. ». Et oui, certainement, si on fait un peu de science-fiction. Mais la vraie question, c'est des erreurs, des biais, il y en aura toujours. Qu'est-ce qu'on préfère, ceux de l'intelligence artificielle ou ceux des humains ? Bon, a priori, en tout cas, j'ai tendance, moi, à préférer les biais humains à ceux de l'intelligence artificielle. Donc, pour toute cette raison, je ne suis pas non plus très emballé par cette perspective d'avoir des juges IA. Mais je voulais vous faire réagir à cette archive de 2019, puisque dans ce livre, dans votre roman, le monde de Julia, il est question que la justice soit faite par des machines, Hugo Bellagamba. Hein, moi, ça m'a fait aussi penser à la science juridique fiction et à son émergence dans les années 70, ou comment ces problématiques juridiques encore prospectives sont envisagées par la SF. Oui, absolument. Et puis c'est vrai que c'est très heureux aussi que petit à petit le droit, et là je suis content de pouvoir le dire à votre antenne, que le droit, le monde de l'université en termes de droit, le monde des réflexions et des études juridiques, s'ouvre justement de plus en plus à la fiction. On a dit tout à l'heure le lien avec la fiction. Mais justement, la science juridique fiction, ça c'est très intéressant parce que justement petit à petit, les juristes s'empare de plus en plus de la fiction comme un outil de réflexion. J'ai pu faire un article il y a quelques années sur l'intelligence artificielle avec un collègue de la faculté de droit, Giulio Cesare Giorgini, et je me rappelle très bien qu'on a présenté cet article, c'était une petite communication et un article, des collègues nous ont dit « mais jamais l'intelligence artificielle ne sera complètement capable justement de raisonner ». Et en fait, notre réponse c'était très simple, c'était « et alors, quelle importance ?» puisqu'on pose une hypothèse. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans la réflexion juridique, dans la réflexion du droit, c'est que on peut explorer des hypothèses indépendamment de leur possibilité et finalement indépendamment de leur probabilité de se réaliser un jour ou pas. Et c'est ça le raisonnement juridique. Et donc c'est vrai que cette science juridique fiction, cette science juridique qui s'intéresse à la fiction et qui s'ouvre à la fiction, aujourd'hui elle a gagné, je dirais, ses lettres de noblesse. Et d'une certaine façon, je pense que le monde du droit, le monde des études juridiques est prêt désormais à utiliser tous ces champs de la connaissance et de la littérature qui sont à sa disposition. Et voilà comment la SF permet d'envisager des problématiques juridiques qui ne se posent pas encore, mais qui risquent de se poser à plus ou moins long terme. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. À 16h49 sur France Culture, nous nous entretenons avec Jean Barré et Hugo Bellagamba, les auteurs du roman d'anticipation Le Monde de Julia. Nous venons de parler des problématiques juridiques. Il y a quelque chose dont j'aimerais parler en particulier avec vous, c'est que dans ce livre, il y a plusieurs clans. Ces clans ont leurs propres règles de fonctionnement. C'est une critique du communautarisme, ça, nous l'avons dit. Mais il y a quelque chose qui amuse le lecteur, c'est qu'il y a beaucoup de références à la pop culture, Jean Barré. Et on a Brasil, la maison des fous d'Astérix, le clan des mouches, qui est un clan d'enfants dangereux, qui est évidemment une référence à Sa Majesté des Mouches, le clan de Fight Club. Tout ça, c'est pourquoi cette omniprésence de la pop culture dans ce roman? Alors là, très pareil, très très vaste question. Je pense qu'il y a un mouvement de fond qui remonte à maintenant pas mal d'années et qui se poursuit, qui est sans doute lié à toutes les problématiques que nous évoquons de délitement un peu de nos sociétés. Les valeurs, me semble-t-il, ont tendance à s'effriter. Et peut-être est-ce un bien, peut-être est-ce un mal. Certaines valeurs étaient peut-être, comme on dit aujourd'hui, toxiques et il fallait s'en séparer. Mais peut-être faut-il en trouver d'autres et on n'en a pas d'autres. Alors les valeurs s'effondrent et qu'est-ce qui reste comme liant entre les gens si vous enlevez les grands thèmes classiques culturels qui permettent de considérer qu'on fait partie du même groupe humain, la pop culture. Parce qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde va connaître Spider-Man, Harry Potter, Bugs Bunny ou qui vous voulez. C'est donc un liant, peut-être en exagérant un peu, le dernier qui nous reste et qui nous permet d'avoir un référent commun, aussi peut-être à la fois riche ou triste soit-il, je c'est pas à moi d'en décider, mais je pense que la pop culture a pris ces dernières années une prépondérance folle qui tient aussi à ce que nous avons perdu le sens des valeurs. Alors en poussant, comme d'habitude grâce à la SF, le bouchon un peu loin, on en arrive à des sociétés qui ne vivent que sous le chapiteau d'une œuvre de pop culture. Mais des fois, on n'en est pas loin quand on voit parfois les drames qui peuvent s'élever dans telle ou telle communauté de fans pour, la forme de la garde d'une épée laser de Star Wars ou ce que vous voulez. Je pense qu'il y a maintenant plein de gens pour qui ces questions-là sont bien plus fondamentales que finalement le reste. Donc la pop culture prend une dimension absolument gigantesque dans notre société, et aussi parce que, je le redis donc, à mon sens, elle est en train petit à petit de devenir le seul lien qui reste entre des communautés qui n'ont plus d'autres finalement référents que celle-ci. Quand il n'y a plus de lien commun, il ne reste que la pop culture. Ouais. Hugo Bellagamba. Alors c'est très très intéressant, ça c'est vraiment au cœur de Julia, au cœur de notre travail avec Jean. Tout ce qu'il a dit, évidemment, voilà, j'y souscris pleinement. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus optimiste. Moi, c'est vrai que je suis moins dans la pop culture, même si j'adore ça, mais en tout cas, je l'utilise moins dans mon quotidien. Je suis plus sur l'histoire d'idées politiques, l'histoire du droit, etc. Évidemment, bien sûr, la science-fiction a fait partie et fait partie de la pop culture. Elle est maintenant même une partie de la culture générale. Hein. Je veux dire, qui ne connaît pas aujourd'hui ces grands classiques de la science-fiction, y compris littéraire. Mais là où c'est, je pense, pas complètement problématique. C'est que, justement, dans la pop culture, on rejoue les vieux débats. Et si vous prenez, par exemple, bien l'univers de Star Wars, entre les Jedi, les Sith, etc., entre le contrôle et le respect de l'harmonie du monde, ou le contrôle et de la puissance, la quête de la puissance absolue, la quête de pouvoir, cette pop culture, en fait, elle montre qu'il est impossible de continuer à faire société sans avoir ce genre de débat. Et d'une certaine façon, moi je pense que s'il y a des générations qui viennent à ces débats fondamentaux par la pop culture, il n'y a qu'un petit pas à franchir pour, au-delà de la pop culture, aller retrouver les textes anciens. Or, je vais vous dire une chose, plus les textes sont très anciens, plus ils sont anciens, plus on remonte à l'Antiquité, plus peut-être ils sont attractifs. Moi je pense que la pop culture a rendu largement obsolètes les débats politiques du XXe siècle. En fait. Et c'est ça qui est en train de se jouer probablement dans notre société, c'est que ces grands débats idéologiques du XXe siècle, on les a maintenant transposés dans la pop culture, et comme l'a très bien dit Jean, ils animent cette pop culture de tensions particulières et d'engagements et de débats, etc. Mais si on va au-delà de ça, et c'est toujours possible de le faire, on est toujours surpris de la facilité qu'on peut avoir à lire des textes très anciens, eh bien on se rend compte que on revient finalement aux fondamentaux du vivre ensemble, comme on disait au tout début de cette émission, et que finalement la question c'est est-ce qu'on peut vivre ensemble en ayant des opinions différentes ? Est-ce qu'on peut vivre ensemble en ayant des priorités différentes? Et si oui, bien, tant mieux, parce qu'on peut continuer à faire société. Et donc finalement, cette pop culture, elle n'est pas la fin de quelque chose, elle est peut-être une passerelle vers autre chose. Je me demandais, parce qu'il y a aussi plein de références plus anciennes, entre guillemets, il y a des références mythologiques, je me suis demandé, Hugo Bellagamba, hein, si c'était pour montrer aussi qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise culture. Oui, tout à fait. Surtout quand on est aussi un auteur de science-fiction. Absolument. Je me suis battu pendant un certain temps contre ça. Quand j'ai commencé mes études de droit et qu'on me disait ou on me faisait comprendre que la science-fiction n'avait peut-être pas sa place à cet endroit-là, etc. Mais aujourd'hui, ça a changé depuis bien longtemps maintenant. Mais effectivement, tout à fait d'accord avec vous, Natacha. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise culture. Il n'y a pas de haute et de basse culture. Et je crois qu'il n'y a même plus de culture académique ou légitime et de contre-culture. Il faut arrêter avec ces clivages. La culture, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous permet de discuter tous ensemble. Et donc, si je peux discuter, par exemple, avec quelqu'un de dernier épisode du Mandalorian, et que je peux aussi discuter avec quelqu'un d'autre de, par exemple, de l'Esprit des Lois de Montesquieu, et de le faire dans la même conversation, eh bien, c'est ça, la culture. Et donc, au final, je pense que l'une des choses qui me rend, moi, finalement positif et qui me fait voir le monde de manière, pas comme une utopiste, mais en tout cas de façon un peu positive, c'est que justement, les vieux clivages entre les différents champs culturels sont en train malgré tout de tomber, et même s'il y a beaucoup d'opposition et le retour des idéologies, il y a quand même cette possibilité, dans la même discussion, comme on vient de le faire là, de discuter de champs culturels extrêmement, extrêmement divers. Jean Barré, pour conclure. Alors, 100% d'accord sur le fait que il n'y a pas forcément une bonne ou haute culture et une basse ou mauvaise culture. Effectivement, et Hugo, comme moi, nous l'avons vécu aux facultés de droit, il y avait cette très forte tentation à considérer que la fiction juridique notamment avait mille fois plus d'importance que d'autres fictions, ce qui est vrai dans votre vie de tous les jours, mais pas forcément en soi. Je rajoute le bémol, puisque vous avez compris qu'il y a le good cop et le bad cop, et qu'il y a l'optimiste et le moins optimiste. Je rajoute encore un tout petit bémol. Mais voilà, c'est juste un positionnement, c'est pas du tout une vérité. Mais le besoin qu'ont les groupes humains de s'entendre sur, on va dire au sens large, une mythologie, quelque chose de commun à tous. Est-ce que la pop culture, telle qu'elle est aujourd'hui, peut remplir cette fonction? Est-ce qu'elle est assez riche? Est-ce qu'elle est assez subtile dans la présentation, comme le dit Hugo, de tous les grands questionnements de nos sociétés, pour qu'on ait l'impression de faire société ensemble, parce qu'on aime tous, comme je disais, Harry Potter, Spider-Man ou Darth Vader? C'est là où j'en suis pas tout à fait sûr, mais la question reste ouverte. Bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir posé toutes ces questions que l'on retrouve dans votre roman, Le Monde de Julia, paru aux éditions Mnemos le 12 avril et disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous deux. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Anelot, Céline Lozen, Eve Etienne, Nafi Terrasse. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Étienne Chaise. Pardon, Timothée Hubert, merci. Cette émission, ce podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.